Bonjour, ici Valérie Levée au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour un petit tour de science avec Futur Simple. C'est Noël et Noël, c'est une période où nous avons l'habitude de faire quelques excès. Alors, loin de moi l'idée de gâcher cette période des fêtes, nous en avons bien besoin. Mais une fois les fêtes passées, il faudra revenir sur Terre. Et la Terre, il n'y en a qu'une. Alors, à 18h30, je recevrai Camille Dauphinet-Pelletier et Elisabeth Ménard qui ont publié cet automne un livre intitulé Vivre avec une seule planète. Mais pour le moment, c'est Noël et à Noël, on aime se faire raconter des histoires. Alors, pour raconter une histoire, je reçois Frédéric Bouchard. Il est professeur au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke et il est aussi notre chroniqueur à Futur Simple, notre chroniqueur des scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui, des savants qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat pour le grand public. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire d'un savant chinois, Shen Kuo, qui a vécu au XIe siècle. Donc en fait, c'est peut-être pas très surprenant qu'on n'en ait jamais entendu parler, nous autres, dans notre coin occidental. Et pourtant, Valérie, on devrait bel et bien, quant à moi, en avoir entendu parler, on pourrait dire sans trop exagérer, que Shen Kuo, j'espère que je prononce bien, s'est démarqué dans autant de domaines, sinon plus, que l'illustre Léonard de Vinci, avec presque un demi-millénaire d'avance en plus. Alors, si on le compare à Léonard de Vinci, c'est pas peu dire, et puis on peut voir apparemment qu'il avait quand même une longueur d'avance temporelle par rapport à ce Léonard de Vinci. Donc, en fait, il s'est illustré dans quelle discipline? Ben, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de disciplines scientifiques, tant dans les sciences naturelles que dans les sciences humaines et sociales, bref, un peu partout dans le savoir humain, on pourrait dire. Et Valérie, je suis retourné dans mes anciennes chroniques sur les scientifiques méconnus pour me remémorer celles consacrées à l'automne 2016, il y a déjà 7 ans, au savant russe Mikhail Lomonosov, que j'avais présenté à l'époque comme un savant multidisciplinaire typique du siècle, des Lumières. Pourquoi? Parce qu'il s'était intéressé autant à la philosophie et la poésie qu'à la chimie et la métallurgie, par exemple. Eh bien, saviez-vous que 600 ans avant même la naissance de Lomonosov, notre savant méconnu d'aujourd'hui, Shen Kuo, menait des recherches dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la physique et la chimie, la géologie, dont on va reparler plus en détail, la météorologie, les mathématiques, la médecine et même la littérature et la poésie. Et ce, tout en occupant un poste de diplomate, de stratège militaire et d'ingénieur hydraulique pour le compte de l'Empire de l'époque. Il a laissé sa marque dans à peu près tous ces domaines-là de la connaissance humaine. Autrement dit, moi je dis Shen Kuo, un homme de la Renaissance, plus de 4 siècles avant la Renaissance. Ouais, effectivement, il a l'air impressionnant, ce Shen Kuo. Et là, il faut que tu nous situes un petit peu, Frédéric, parce que tu nous parles de 1000 et quelques, de l'an 1000 après Jésus-Christ, donc on est en Chine. C'est quoi le contexte à cette époque-là, le contexte de la Chine de cette époque-là? C'est sûr qu'on est loin, là, tant dans l'espace que dans le temps. Donc, ouais. Un peu de contexte. Shen Kuo, il est né en 1031 et il est mort en 1095. Donc, c'est il y a plus de 1000 ans. Il a vécu pendant la dynastie Song, S-O-N-G, qui a régné en Chine de la fin du 10e siècle à la fin du 13e siècle. Donc, plus précisément, entre l'an 960 et l'an 1279 de notre ère. Fait intéressant, ou fun fact, il s'agirait du premier gouvernement au monde à émettre des billets de banque à l'époque. Et c'est par ailleurs pendant la période Song, la dynastie Song, qu'on inventera la poudre à canon pour repousser, entre autres, les Mongols et autres tribus venues du Nord, et qu'on va aussi commencer à utiliser la boussole pour localiser le Nord géographique et le distinguer du Nord magnétique, j'y reviendrai. Et c'est aussi pendant cette période qu'on invente les caractères mobiles d'imprimerie. Donc, c'est des petites pièces, d'abord en terre cuite, puis plus tard en bois ou en métal, qui vont optimiser le procédé d'impression en série de lettres, de chiffres ou de symboles, d'idéogrammes sur le papier ou sur les tissus. C'est un procédé d'ailleurs que les Chinois avaient inventé quelques siècles auparavant. Et ce sont aussi les empereurs de la dynastie Song qui vont mettre sur pied les examens de recrutement des fonctionnaires de l'Empire, donc des employés de l'État admis dans la fonction publique pour leurs compétences ou leurs mérites, plutôt que par leur naissance ou leur position hiérarchique, aristocratique ou militaire dans la société. Donc, la société chinoise, en fait, là, il y a plus de 1000 ans, finalement, c'est une société assez novatrice, en avance sur son temps, et par comparaison à cette époque-là, c'est le Moyen Âge en Europe, et on ne peut pas dire vraiment que à cette époque-là, les progrès scientifiques et technologiques vont venir de l'Europe, mais plutôt justement de l'Asie de l'Est et un peu quand même en provenance de l'Afrique du Nord et du monde arabe. Mais là, ça me fait déborder du sujet. Et qui sait, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Eh ben pourquoi pas? Bon, alors pour l'instant, on va rester donc en Chine avec Xunpeng. Si tu nous présentais quelques-unes de ces découvertes de Shen Kuo. Ben, il y en a beaucoup, hein, mais la première qui, moi, me vient à l'esprit, c'est la géologie, bien entendu, et spécifiquement la paléontologie ou l'étude des fossiles. Donc, l'histoire occidentale officielle mentionne que Léonard de Vinci, encore lui, avait finement observé au 16e siècle, donc période Renaissance, la présence de fossiles marins comme des coquillages de mollusques au sommet des Alpes italiennes. Et avait donc suggéré que ces organismes-là avaient vécu autrefois dans les profondeurs des océans et qu'une grande force, un peu mystérieuse, avait déplacé en quelque sorte le fond marin vers le sommet des montagnes où les fossiles se trouvent aujourd'hui. Ou autrement dit, si on inverse la perspective, la mer, avec le temps, s'était en quelque sorte retirée loin des terres pour exposer les fossiles. Donc, un sage raisonnement sans doute. Eh bien, 5 siècles auparavant, Shen Kuo a écrit à peu de choses près exactement la même chose en remplaçant, si on veut, les Alpes italiennes par les montagnes du nord de la Chine. Ah ouais. Mais ce n'est pas tout. On pourrait dire que Shen Kuo a jeté les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la paléoclimatologie ou l'étude des climats du passé. Évidemment, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on avait déjà observé depuis quelques siècles, la présence dans les roches de ce qu'on appelle du bois pétrifié, c'est-à-dire des morceaux d'écorce, des troncs d'arbres, des morceaux de branches ou de feuilles qui sont fossilisés littéralement dans le roc. Et à l'époque, les fossiles découverts ressemblaient pas mal aux espèces qui poussaient dans la région, donc les mêmes espèces végétales. On les interprétait donc comme les vestiges d'anciennes forêts locales ou régionales qui avaient poussé autrefois. Mais voilà, en voyageant près d'un site où il y avait eu un glissement de terrain le long d'une rivière qui avait exposé des couches rocheuses encore plus anciennes, donc très profondes, Shen Kuo va découvrir des fossiles de bambou. Et pas que quelques brindilles, littéralement une forêt entière de bambou fossilisé. Mystère, grand mystère, ou pour citer Shen Kuo lui-même dans son ouvrage, il s'agit là d'une chose bien étrange. Mais pourquoi donc la présence de bambou était-elle si mystérieuse? Ben justement, cette espèce végétale-là ne poussait pas du tout dans la région à l'époque de la découverte par Shen Kuo de la forêt de bambou fossilisé. Il n'y avait pas de bambou du tout dans la région. Donc, explication de notre savant chinois, ben forcément, les conditions climatiques devaient avoir été radicalement différentes dans le passé pour avoir justement permis la croissance d'une végétation totalement différente par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'ailleurs d'un raisonnement couramment utilisé aujourd'hui en paléoclimatologie ou en sciences de la Terre lorsqu'on aborde la question des changements climatiques à différentes échelles de temps. Et enfin, pour donner un exemple, un dernier exemple de découverte, Shen Kuo va être plusieurs siècles en avance sur les savants européens en étant le premier à réaliser que l'aiguille d'une boussole pointe non pas vers le nord géographique directement, ou c'est-à-dire le haut de nos cartes géographiques, mais elle pointe plutôt vers le nord magnétique qui, non seulement n'est pas localisée exactement à la position du pôle Nord, mais qui en plus se déplace d'une année à l'autre, d'un siècle à l'autre, en dérivant lentement là, dans les hautes latitudes de l'hémisphère Nord. Par exemple, jusqu'à la fin du 20e siècle, le pôle magnétique se trouvait quelque part dans l'ouest de l'Arctique canadien et il est présentement en train de traverser l'océan Arctique vers la Sibérie de l'autre côté. Bref, Shen Kuo va réaliser dès le 11e siècle, il y a plus de 1000 ans, ce phénomène qu'on constate aujourd'hui, qu'on observe, mais qu'on a un peu de mal à bien comprendre en ce qui concerne les causes de sa lente migration. C'est quand même impressionnant que Shen Kuo ait fait ses découvertes il y a 1000 ans. Mais là, la question qu'on peut se poser, Frédéric, c'est pourquoi, alors qu'il a fait toutes ses découvertes, il a sombré dans l'oubli? Pourquoi, hein? C'est d'ailleurs la question qui revient à chaque fois que je présente un scientifique méconnu, mais pourquoi on n'en reparle pas aujourd'hui? Ben, plusieurs raisons, mais la principale, peut-être, je crois, Shen Kuo a abordé tellement de sujets, hein, c'est multidisciplinaire at large, là. Il a abordé tellement de sujets qu'il a fini par s'intéresser, on pourrait dire, à des sujets un peu moins dignes d'une carrière scientifique, un peu plus ésotérique, on pourrait dire. Et spécifiquement, je parle des ovnis, donc les objets volants non identifiés. Probablement que ça n'a pas aidé tellement à ce qu'on le prenne au sérieux. Et je vais vous lire un extrait d'ailleurs d'un de ses écrits sur le surnaturel où justement, il décrit une espèce de rencontre du troisième type, on pourrait dire, dans la province de Yangshu, dans l'est de la Chine. Alors, ouvrez les guillemets. Le passage va comme suit. La porte de l'objet s'est ouverte et un immense flot de lumière intense comme les rayons de soleil s'en est échappé. Puis, l'enveloppe extérieure s'est ouverte, révélant une grosse perle de la taille d'un poing qui illuminait l'intérieur d'une blancheur d'argent. La lumière blanche qui venait de l'intérieur était trop intense pour l'œil humain. Elle projetait l'ombre des arbres dans un rayon de 10 000. Le spectacle était comme le soleil levant, embrasant le ciel et la forêt d'une lumière rouge. Puis, tout d'un coup, l'objet s'est envolé avec une vitesse fulgurante et il a disparu derrière le lac comme le coucher du soleil. Fermez la citation. Donc, c'est joli, mais pour un lecteur ou une lectrice du 21e siècle ici, là, ça paraît pas très, très sérieux tout ça. Ouais, effectivement, ça lui fait perdre un peu de la crédibilité. Mais Frédéric, dis-moi, comment ces découvertes nous sont parvenues? Là, tu te dis, bon, il a écrit ça, donc ça veut dire Shen Kuo a laissé des écrits. Il a laissé effectivement quelques écrits. Apparemment, on en a perdu beaucoup, mais on a pu en garder quelques-uns. Il a quand même laissé Shen Kuo un héritage, un certain héritage scientifique en Occident, puisque, fait intéressant, l'International Association of Geomagnetism and Aeronomy, donc un organisme international sur le champ magnétique terrestre, attribue aujourd'hui le Shen Kuo Award, je ne l'invente pas, donc le prix Shen Kuo qui récompense la carrière des scientifiques interdisciplinaires qui, par la nature de leurs activités qui transcendent les domaines de la recherche, ne se qualifient pas, n'arrivent pas à se qualifier pour un prix scientifique dans le domaine des sciences géomagnétiques. Donc, quand ils sont un peu trop éparpillés, on leur donne le prix Shen Kuo. Et Ah, sont, ben reconnaissance de quand cet même. esprit pluridisciplinaire. Voilà, ça c'est en plein dans le mille dans l'esprit de Shen Kuo. Et son œuvre intellectuelle, on pourrait dire, est synthétisée dans un ouvrage joliment intitulé Discussion depuis un petit ruisseau de rêve. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié en l'an 1088. Et je dirais, ça donne envie de réfléchir ou de rêvasser, justement. Discussion depuis un petit ruisseau de rêve. Effectivement, d'ailleurs, on a peine à imaginer que derrière ce titre se cachent des réflexions scientifiques. C'est joliment intitulé. C'est très joli et c'est quand même un bon ouvrage de plusieurs centaines de pages. Donc, ce n'est pas simplement des petites réflexions là, sur le coin d'une table ou sur une napkin, comme on pourrait dire. Ouais. Donc j'imagine que ces discussions d'ailleurs abordent les réflexions de Shen Kuo sur les fossiles, le déplacement du pôle magnétique et autres sujets de science. J'imagine que c'est ce qu'on peut lire dans ce livre. Et tout ça, non seulement de la science, mais des réflexions sur la géopolitique de l'époque, sur la poésie, la musique. Enfin, ça éclate dans toutes les directions. Ah ouais. Mais puis en fait cette histoire, Frédéric, moi ça nous je trouve que ça nous montre combien nous sommes ignorants de la science chinoise. Alors, gros merci Frédéric de nous avoir transporté dans la Chine du 11e siècle à la découverte de Shen Kuo. Merci Frédéric. Ça m'a fait plaisir. Alors, je rappelle que Frédéric Bouchard est professeur au département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et je rappelle aussi, si vous ne l'avez pas encore lu, que Frédéric est auteur du livre Ici la Terre, dans lequel il raconte l'histoire de savants méconnus qui ont pourtant marqué l'histoire, entre autres, de la géologie. Un livre, si vous ne l'avez pas encore lu, à lire. Tout Alors, à on fait. fait une petite pause musicale sur CKRL 89.1 et on se retrouve pour parler de notre terre, notre unique terre et comment vivre avec elle. Sur la lune, un homme se promène avec un lévrier. Sur Vénus, un engin se pose un jour en février. Février 3160. Et l'homme tout à coup sidéré, déphasé, désorganisé, entend dans son casque acoustique une chanson de l'époque du Spoutnik, perdue sur une bande magnétique. C'est une petite chanson de rien, je la connais, c'est la mienne. Je l'ai écrite ce matin en attendant la fille que j'aime. Elle dit que nous c'est pour toujours, je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. Elle dit je suis mort depuis très longtemps et vous aussi bien sûr. Et pourtant, si quelqu'un m'entend là-bas dans le futur, février 3160, je me demande ce qu'il ressent et si ça veut dire quelque chose. Là-bas dans l'espace et le temps, une chanson qui dit que je t'aime et des mots pour que tu reviennes. C'est une petite chanson de rien où j'ai voulu te dire un jour que jamais le temps ne revient, que la vie c'est toujours trop court. Elle dit que nous c'est pour toujours et je t'attends depuis 2 jours. Elle dit un homme se promène avec un lévrier. Sur Vénus, un engin se pose un jour en février. C'est une petite chanson de rien, je la connais, c'est la mienne. Je l'ai écrite ce matin en attendant. C'est pour toujours, je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Elle dit thank you. de la mer, des étoiles et du ciel, caresses-tu de tes yeux le visage des cieux? Qu'as-tu fait de la terre, des montagnes, du soleil, des secrets délicieux de l'enfance des dieux? Que fait-on du bonheur, des rires de nos amants et du sel de nos larmes quand nous prenons les arts? Quand nous prenons les armes, les armes. Du milieu de nos ventres viennent l'amour. Est-ce que l'espoir chante dans nos rêves hésitants? Mais où s'en vont les heures, ô sablier du temps, dans nos mains de la peur? Pauvre est le temps présent. Reste-t-il une mémoire dans les fanges du temps? Que fait-on de l'histoire, des plaisirs du printemps, des plaisirs du printemps, du printemps? Quand il pleut des mensonges, qui va te consoler? Si le vrai est un songe et ta langue fragile peut-elle dire sa misère, petit peuple docile, prisonnier de l'hiver? Écoutons nos chagrins, nos grimoire du temps. mystère du présent. Le grimoire du temps, mystère du présent. Hasard ou coïncidence, Byzance ou Trafalgar, Mozart ou l'innocence, ignorance ou brouillard, tintamarre ou nuisance, obédience ou beaux-arts, victoire ou suffisance, l'apparence ou l'histoire, faux départ ou balance, déférence ou bobard, avoir ou dépendance, abondance ou dollar, un écart ou l'errance. Turbulence ou bazar, paillardise ou licence, jouissance ou bande à sous regard, avarice ou prudence, confidence racontable, hold de gare affluence, manigance traquenard, devoir obéissance, concurrence étendard, flemmardise indolence, impatience y'en a marre, pantardise indécence, élégance objet rare, bavardage ingérence, expérience un rempart. Espoir adolescence, coïncidence ou hasard, hasard ou coïncidence.